lutte contre le terrorisme en Afrique, précisément dans le golfe du Guinée, de Guinée autant pour moi, un sujet toujours qui cristallise les attentions à cet effet. Selon certaines indiscrétions, des terroristes ont été interpellés avec des équipements par les services de renseignement du Sud-Soudan. Ceux-ci ont été transférés au service de renseignement de la Guinée équatoriale pour l'extradition. Certaines puissances occidentales indexées à cet effet. Certains géopoliticiens affirment, je cite, que l'Espagne indexée dans la déstabilisation du golfe de Guinée n'est pas fortuit. Il convient de souligner que Malabo, voilà, a dénoncé, je cite, une féroce campagne médiatique internationale afin de déstabiliser et dénigrer le pays. Il s'agit donc de quoi? Du matériel militaire tel que des radios de communication, des uniformes militaires avec le drapeau espagnol et d'autres matériels de guerre. Des observateurs étrangers parlent, je cite, d'une obsession des Occidentaux. Que se passe-t-il véritablement? Qui sont les commanditaires? Et on en parle avec le même plateau. Monsieur Jonathan Batengene, Dr Yantimba, Maître Janvier Momo, Monsieur Tefousmane, Monsieur Adrien Boquet. Je commence par vous, Monsieur Adrien Boquet. On parle bien sûr, par le temps de permettre à Monsieur Adrien Boquet de nous revenir. À coup sûr, il y avait encore des informations assez fraîches. Maître Janvier Momo, on parle justement de la problématique de déstabilisation des États africains. Le cas de la Guinée équatoriale où une interpellation a été faite de terroristes ainsi que des équipements par les services de renseignement du Sud-Soudan qui, à travers une coopération musclée, ont donc transféré ces terroristes mais également ces équipements du côté de la Guinée au service de renseignement de la Guinée équatoriale. Des observateurs étrangers parlent donc d'une obsession de la part de l'Occident. L'Espagne indexée donc pour indexer dans cette affaire et selon des géopoliticiens, le fait que l'Espagne soit indexée ne soit pas fortuit. Il s'agit d'une implication profonde de l'Espagne depuis de nombreuses années. Quelle est votre grille de lecture? Votre question elle est très très intéressante parce que elle touche du doigt la chose. Premièrement, la convoitise occidentale en Afrique qui n'a jamais cessé. Deuxièmement, la diabolisation des efforts africains dans la lutte contre le terrorisme. Diabolisation pourquoi? Parce que dans cette diabolisation, il profite pour détruire à l'international l'image du pays qui subit la diabolisation de la part des médias occidentaux. Alors, en revenant au sujet, naturellement, il y a eu des arrestations des terroristes équato-guinéens par les services secrets, les services de renseignement soudanais. Je pense que c'était en 2019. Et avant 2019, il y a la précédente attaque terroriste, la précédente conspiration terroriste contre le régime de Malabo, c'était naturellement le coup d'État démantelé, avorté de la Saint-Sylvestre 2017. Vous savez, il y a un coup d'État, il y a une horde de terroristes qui ont été arrêtés, interpellés, au niveau de Kiyosi en décembre 2017. Ils se préparaient à assassiner le président Obiang et toute sa famille qui ont coutume de passer la Saint-Sylvestre dans son village natal à Mongomo, qui se trouve à 60-80 km de là où les terroristes ont été arrêtés. Et nous sommes en décembre 2017. Alors, en 2018, le président Obiang lance une campagne. La campagne consiste à sensibiliser les États africains pour une grande collaboration en matière de sécurité, puisque les terroristes de 2017 ont été arrêtés aux portes de la Guinée équatoriale dans la zone des trois frontières, c'est-à-dire au niveau de Kiyosi, la frontière entre le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Les Camerounais, les terroristes arrêtés en sol camerounais ont été jugés par le tribunal militaire de Yaoundé qui se déplaçait à Ebolova en audience foraine pour juger ces terroristes. Ils ont été jugés et Yaoundé les a condamnés. Je pense que la plus petite peine encourue, c'était 30 ans. parmi tous les terroristes qui ont été arrêtés au Cameroun. Alors, d'autres États observaient un mutisme que la Guinée équatoriale ne parvenait pas à comprendre. Alors, le président Obiang lance une campagne en 2018, Madame Capin, saisit chaque chef d'État. Lui demande une coopération, demande la mise en œuvre des lois, des traités et même des actes juridiques qui lie les États concernés avec la République de Guinée équatoriale concernant l'extradition. Alors, le Tchad a pris ses responsabilités, a jugé Kodobani et tous les autres et les a naturellement condamnés. Pendant ce temps, à Malabo, le tribunal, les juridictions de Guinée équatoriale jugeaient aussi les terroristes qui avaient été arrêtés sur place et les condamnés par le même coup. Alors, en 2018 donc, après cette campagne, le président Obiang entreprend de signer des accords avec plusieurs États africains. Et l'État nouvellement indépendant appelé la République du Sud-Soudan a vu la visite du président Obiang qui, à cette occasion, a signé une convention d'entraide juridique avec possibilité d'extradition des auteurs ou des présumés auteurs qui s'attaquerait à une entreprise déstabilisatrice qui serait dans un complot déstabilisateur contre la République de Guinée équatoriale. Fort heureusement, un an après, au niveau de Djoumba, au Sud-Soudan, les services de renseignement soudanais constatent une activité inhabituelle, mais la brouille, c'est que ceux qui sont plongés dans cette activité inhabituelle, ce sont des Espagnols, ce sont des Noirs, mais ce sont des Espagnols. Alors, les services de renseignement poussent loin les recherches et se rendent compte que ce sont des Espagnols, mais d'origine équato-guinéenne. C'est en ce moment que la République du Sud-Soudan met en œuvre son accord de coopération juridique avec la Guinée équatoriale. Les terroristes, la Guinée équatoriale déploie tous les moyens nécessaires et met hors d'état de nuire ces touristes qui ont été jugés du côté de Malabo et condamnés. Donc, Madame Capen, vous voilà les faits tels qu'ils se sont présentés. La question aujourd'hui, c'est pourquoi la Guinée équatoriale? Parce que en 2004, en 2009, en 2017 et en 2019, voilà la République de Guinée équatoriale qui est au centre de la convoitise internationale par voie du terrorisme. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi la Guinée équatoriale? Oui, en Guinée équatoriale, personne ne peut le contredire. Le président Obiang, quand il a pris les rênes du pouvoir, et à un moment donné, quand la Guinée équatoriale s'est rendue compte de la panne pétrolière et gazière, elle s'est engagée dans une entreprise de développement de pays. Développement tous azimuts du pays. Alors, aujourd'hui, l'Espagne qui a abandonné la Guinée équatoriale, en laissant les équato-guinéens aller à l'école sous l'arbre, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est ce même Espagne, c'est ce même pays qui héberge l'essentiel des ennemis de la Guinée, des ennemis équato-guinéens de la Guinée équatoriale. N'oubliez pas, Severo Moto est en Espagne, Salomon Abessondon est en Espagne, plusieurs Corrètes ont pour base l'Espagne. Alors, l'Espagne aujourd'hui sous-traite son retour sanglant en Guinée équatoriale par d'autres États parce que le coup de décembre 2017 a été fomenté à Paris. C'est un coup qui est fomenté en France a des répercussions sur la Guinée équatoriale alors que nous savons que la principale convoitise c'est l'Espagne. C'est bien, c'est vrai, l'Espagne aussi avec la France aussi avec ses entreprises, l'orgne, chaque État blorgne la manne pétrolière et gazière qui se trouve en Guinée équatoriale. Nous disons que, en matière de déstabilisation des États africains, il y a une sorte de cohésion entre les États occidentaux pour nuire, pour attenter, pour remettre en cause le développement des pays africains. C'est la raison pour laquelle, lors de ma dernière prise de parole, j'ai dit les Africains doivent être vigilants. Vigilants parce que le pacifisme africain a enterré notre civilisation. Et il est inadmissible qu'au 21e siècle, nous continuions dans le pacifisme. Nous ne disons pas que le moment est venu pour nous d'attaquer les pays. Non!

les acteurs qui voulaient mettre en déroute l'État équato-guinéen, eh bien, c'est grâce à cette coopération qu'on a démantelé le réseau qui avait une partie au niveau de la ville de Kiosi, un commando qui devait attaquer la ville de Mongomo, le village du président, président Obiangema Mbasoko, qui est un grand panafricaniste, un grand combattant. Nous le saluons toujours pour son engagement pour la cause. C'est grâce à lui aussi que cette chaîne Afrique Média, le média de tous les peuples africains aujourd'hui, a réussi à s'imposer dans le monde. Parce que si le président Obiang n'avait pas pris sur lui ce combat, peut-être que nous n'en serions pas ici. Il faut lui rendre cet hommage. Donc, le 23, les combattants devaient partir de Kiosi et attaquer Mongomo, et où le président devait séjourner parce qu'il était venu là-bas se reposer dans son village. De la Saint-Sylvestre. Et là, vous avez donc le MLGR, le MLGER, qui est un mouvement terroriste, mais qui dit qu'il est un parti politique, et qui n'est pas sa première expérience. Ouais. Souvenons-nous, en 2004, ils avaient déjà missionné un grand mercenaire britannique, Simon Mann, avec ses pieds nickelés, c'est-à-dire ces bâtards qu'il allait récupérer. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la presse internationale qui les a ainsi traités. C'est parce que c'était une bande d'incompétents du point de vue du métier des armes qui s'est retrouvée au sein du commando Simon Mann et qui a été neutralisé, je crois, depuis un pays d'Afrique australe, Zimbabwe. Alors, avec la coopération des services secrets zimbabwéens. Ici, c'est la suite. C'est la suite d'une opération qui a commencé en 2017. Et là, vous avez des personnages de plusieurs nationalités. C'est une constellation qui va être organisée, je crois qu'à l'époque... Avec le fils de Margaret Thatcher. De Margaret Thatcher, qui impliquait donc les Britanniques. Vous avez un général autoproclamé tchadien, Kodobani. Vous avez un proche d'un homme d'affaires à Centrafricain, monsieur Yalo, Ahmed Dada Yalo. Vous avez également, et qu'on a laissé pour incriminer Sani Yalo. Tout à Sani Yalo, on a failli n'eût été la perspicacité, l'entre-jean du président Faustin Akanji Touadéra, digne panafricaniste. Vraiment, l'homme d'affaires Sani Yalo, qui n'avait rien à voir avec, dans le coup, aurait pu passer par les mailles du filet. Donc, vous avez ces acteurs, c'est une nébuleuse qui s'est constituée, est passée par le Cameroun, a reçu les armes venant du Gabon. Parce que les armes ne vont pas venir directement du Centrafrique, les armes vont venir du Gabon et vont être ravitaillées au niveau du Kiosi. C'est un commando armé de lance-roquettes avec des pick-up qui est prêt à embarquer partant du Cameroun pour Mongomo. On parle de près de 200 hommes. Il a fallu que ce jour, les forces armées camerounaises déploient un important dispositif pour aller stopper ces combattants à la frontière. Et de l'autre côté, le dispositif équato-guinéen va se déployer en as pour cueillir tous ceux qui avaient qui étaient déjà à traverser la frontière. Voilà les acteurs qui ont été pêchés. C'est des gens qui sont leaders de cette compromission internationale, de ce complot contre la Guinée équatoriale. Ils ont été arrêtés et ils ont été mis en prison après une coopération active avec les services secrets du Sud-Soudan à Djouba. Et depuis leur prison, l'un d'eux est mort. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il est mort, Monsieur Mefouman. Quand Monsieur Mefouman décède, les partenaires internationaux, parce qu'on le voit aujourd'hui même avec le conflit, avec l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, on voit les partenaires internationaux des terroristes venir les défendre. Avec un journal espagnol, El País. El País, et puis le Parlement européen qui nous dit que on est en train de torturer les opposants politiques. Un terroriste, un chef terroriste, ils disent que c'est un opposant politique. Depuis qu'on fait la politique avec les armes, avec les lance-roquettes et en menaçant de tuer un chef d'État. Il y a une politique comme ça en France. C'est comme ça que les opposants de Macron lui disent qu'ils ne veulent pas de ces projets de loi à la con. Est-ce que c'est comme ça que Marine Le Pen va s'exprimer dans la rue avec des lance-roquettes en menaçant de tirer sur l'Elysée? Si c'est ça l'opposition politique, nous pensons qu'il y a une opposition spécifique pour les Africains et une autre pour les pays dits démocratiques. Démocratique. Parce que chez eux, la parole, l'encensement des populations, la mobilisation populaire, c'est ça l'activité politique. La formation des militants, ce n'est pas le recrutement des mercenaires à travers le monde, les complots avec les puissances étrangères qui fait de vous un opposant politique. Donc il y a une confusion de gens, une tentative de déformer la réalité. C'est ça qui fait l'actualité de ce sujet. Parce que l'Union européenne soutient les terroristes. Oui. Et ne dit pas qu'il soutient les terroristes. Oui. Il les présente dans les journaux de l'Union européenne oui. comme des opposants politiques. Oui. Alors que c'est faux. Ce n'est pas des opposants politiques. Mais Fouma n'a pas été opposant politique. L'autre, Ndong, il n'est pas opposant politique. Et tous ces gens qui ont été arrêtés sont quatre individus qui sont empêtrés dans ces affaires de coup d'État. Ils ne sont en rien des opposants politiques. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Severo Moto est un opposant politique? Depuis quand, à quand remonte sa dernière candidature à une élection présidentielle, disons même municipale, en Guinée équatoriale? Parce que qui est opposant dit que vous détenez un parti politique qui mène ses activités sur un territoire, qui a une ambition de conquête du pouvoir par les voies, les canons tracés par la loi, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir en Espagne, vous sirotez des verres de whisky et vous commanditez les mercenaires comme Simon Mann pour aller tuer votre chef d'État. On vous appelle opposant politique. Quel est ce statut d'opposant politique? C'est une imposture. C'est une bande d'imposteurs internationaux, des criminels qui sont présentés comme des opposants en Guinée équatoriale. Voilà l'actualité de la Guinée équatoriale. On a donc affaire à une attrition internationale portée par l'Union européenne. Un complot où dit qu'on la Guinée équatoriale, on a double des terroristes, on les présente comme étant des hommes politiques, on veut fourvoyer le président Obiangema et on sort des affaires farfelues du genre, il aurait torturé des opposants politiques dans les prisons. Ça veut dire qu'Al-Bougraïb était rempli d'opposants politiques états-uniens. Ça veut dire que plusieurs prisons, les prisons secrètes de l'armée française au Mali étaient remplies d'opposants politiques maliens détenus par les Français. Ça veut dire que tous les terroristes détenus, les frères Mera sont des opposants politiques contre la politique de l'establishment français. Alors, pourquoi ils sont là-bas en prison et dans les conditions carcérales qu'on ne connaît pas? Il faudrait aussi leur accorder une prison tout à fait normale, dans des conditions aisées. Pourquoi le renseignement français a décidé de tuer tous les ressortissants français qui ont exercé dans l'État islamique en Syrie? Pourquoi ils ont décidé ça? Ce n'étaient pas des opposants politiques? Il faut leur donner aussi ce statut si on considère que tout terrorisme peut devenir un acteur politique dans un pays. C'est du terrorisme international qui est adoubé ici. Et vous avez bien fait de montrer qu'on n'est pas dans une affaire d'opposition. Oui. Et l'enjeu, c'est justement le contrôle du discours sur un ensemble d'acteurs qu'on veut imposer dans le jeu politique équato-guinéen. Ces acteurs, c'est des imposteurs, c'est des terroristes qui utilisent la terreur, qui veulent utiliser le crime pour se hisser à la tête du pays. Pourquoi? Parce que, Maître Momo l'a montré, il y a les ressources naturelles. Oui. Il y a un développement fulgurant en Guinée équatoriale. On accuse souvent les chefs d'État africains en disant c'est des dictateurs. Oui, oui, on le dit, c'est comme ça. On dit qu'Obiang c'est un dictateur, que son pays a la pauvreté. Mais non, je crois que vous deviez, Nathan, il fallait faire passer quelques vidéos de la Guinée équatoriale. Oui. Pour que les gens voient, la Guinée équatoriale, c'est un petit paradis en Afrique centrale. C'est clair. Quand vous regardez la Guinée équatoriale, ils n'ont rien à envier à Dubaï. Ils ont des très belles cités. Mongomo, Ebebeïne, Malabo, Bata. Les villes en Guinée équatoriale se comptent comme dans les champignons sur un morceau d'arbre. Donc, les équato-guinéens ont un président visionnaire qui a travaillé, qui a apporté le développement

c'est beaucoup d'efforts. Continuez avec les efforts, vous êtes déjà sur le bon chemin, pour ne pas dire le très bon chemin. J'ai suivi l'interview avec des questions que vous avez posées au président Faustin Atanche Touadéra. C'était digne d'une journaliste d'Afrique Média. Je vous dis merci. Et nous espérons que ça se fera avec le digne président Obiang Mbasoko. Mais c'est pour très bientôt. Le message n'est pas arrivé dans les oreilles de Sou. C'est le mot de fin. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Merci de toujours faire confiance à la télévision panafricaine. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous suivre sur les différentes plateformes. Malheureusement, ce soir, on n'aura pas l'occasion, voilà, de vous dire merci de façon individuelle. Mais soyez rassurés, dans un autre rendez-vous du savoir, nous le ferons. Merci également à la réalisation dirigée des mains de maître de Monsieur Nathan. Voilà, la suite, on va gérer en off, Monsieur Nathan. C'est ici donc que nous refermons ce programme. Point final, à très vite pour notre rendez-vous du savoir. Au revoir. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Afrique Média, le monde, c'est nous.